attaché et au rez-de-chaussée, la lessive reste à étendre. Alors tu redescends et la mort attendra. Après tout, elle a le temps. Après tout, elle a le temps. Après tout, elle a le temps. Après tout, elle a le temps. La mort. Sur ton téléphone, les amis font semblant d'exister. Tu envoies des messages et c'est une forme de vie qui te répond. Comme le sentiment étrange que tu ressens à la vue de Patrick Devers à l'écran. Mais après tout, elle a le temps. Après tout, elle a le temps. Après tout, elle a le temps. Après tout, elle a le temps. La mort. Ils viennent et vous buvez. Et tu demandes à l'un d'eux si par hasard ils savent faire un nœud coulant. Ils viennent et vous buvez, vous chantez et dansez. Et tu demandes à l'un d'eux si par hasard ils savaient faire un nœud coulant. Mais après tout, elle a le temps. Après tout, elle a le temps. Oui, après tout, elle a le temps. Talk.